بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباء. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le mardi 5 Shawwal de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 25 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours du mois de Shawwal afin de poursuivre cette série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum. Aujourd'hui, on va commencer avec un des plus grands savants de le Coran parmi les compagnons, qui était à la base un esclave appartenant à une femme parmi les Médinois et qui l'a affranchi par la suite. Ce compagnon s'appelle Salim, Maoula Abi Hudhayfa. Salim, Maoula Abi Hudhayfa. C'est parmi les plus grands compagnons, les plus grands savants des compagnons dans le Coran. C'est pour ça que Nabi alayhi salam nous a ordonné de prendre le Coran de 4 compagnons. Il a cité en premier Abdullah ibn Mas'ud, ensuite Ubay ibn Ka'b, et ensuite il a cité Salim, Maoula Abi Hudhayfa. Et le quatrième, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhum. Et ses compagnons font partie aussi parmi les compagnons qui ont mémorisé le Coran dans sa totalité pendant le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Et vous savez que les compagnons, c'était pas comme ceux qui sont venus après. Quand quelqu'un, il mémorise le Coran, c'est qu'il a la science de ce qu'il a mémorisé et qu'il a mis en pratique, car il mémorisait 10 versets par 10 versets, et avant de passer au suivant, ils apprenaient la science qu'il y a dans ces 10 versets, ils la mettaient en pratique, et ensuite ils passaient aux 10 versets suivants. Et certains parmi les grands savants de Tabi'in, ils recommandaient de mémoriser par 5 versets. Comme Abu al-Aliya al-Riyahi, qui n'a pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est un Tabi'i. Et il a appris le Coran de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Il l'a mémorisé de lui. Et on a déjà parlé de ce tabi'i quand on a parlé de certains compagnons, radiyallahu anhu. En tout cas, Salim Maoula Abi Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a été, comme j'ai dit, il a été affranchi par la femme qui le possédait, car c'était un esclave. Et après son affranchissement, il était souvent avec Abu Hudhayfa. Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a. Et c'est lui qui l'a pris en charge. Et même, il l'a adopté. Il l'a adopté. C'était comme, c'était son fils d'adoption. Et quand l'adoption a été interdite, on l'appelait Salim Maoula Abi Hudhayfa. Alors qu'au début, c'était Salim, le fils de Abu Hudhayfa. Comme la même chose avec Zayd ibn Haritha et le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Zayd, on dit Mawla Rasulillah. Car l'adoption a été interdite. Vous comprenez ce que ça veut dire, l'adoption a été interdite. Ce qui est interdit, c'est de s'attribuer cet enfant, comme si c'était ton fils ou ta fille. Ça, c'est haram. Faut que chacun soit yani, attribué à ses vrais parents. Ses parents biologiques. Mais par contre, de prendre soin et de s'occuper d'orphelins, ça c'est parmi les actes les plus méritoires de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana wa kafilul yatimi kahatayni fil jannah » Je serai comme ces deux-là. Yani comme deux doigts de la même main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « On serait comme ces deux-là, moi et celui qui prend en charge l'orphelin. » Lakin, c'est pas autorisé qu'il t'appelle mon père ou que tu l'inscrives dans le halal madaniya. Allah, j'ai oublié comment ils appellent ça en français. En tout cas, yani, le livret de famille, c'est yani, de l'inscrire dans le livret de famille comme un de tes enfants, ça c'est haram. Car en faisant ça, on va perdre sa trace et sa lignée et ses origines. Et peut-être que cet enfant, un jour, il sera amené à se marier avec une femme qui est sa sœur. Pour ça, c'est très important qu'on sache de qui tu viens, qui sont tes vrais parents biologiques. En islam, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit zina. Parmi les sagesses, il y a cette grande sagesse. Et même, c'est parmi les cinq grands objectifs de la législation. C'est de préserver la descendance. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans les sociétés de kufr, où il n'y a plus de zina, tout ça n'est pas respecté, ben souvent ils doivent se marier avec leur sœur, avec leur frère. Wallah al-Mustaan. L'homme, il va dans une ville, il fait ce qu'il veut, après il va dans une autre ville, et qui te dit que ce qu'il a eu comme enfant, et souvent il les informe même pas qu'elle est tombée enceinte de lui. Elle veut faire un enfant, donc elle choisit l'homme qui lui correspond physiquement, tout ça, et elle fait des enfants. Wallah Moussa. Alhamdulillah, qui nous a comblé de la ni'ma de l'islam et qui a fait de nous des muslimines. Donc Salim Mawla Abi Hudayfa, elle rapporte Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. Elle dit qu'un jour après Salat al-Isha, elle a tardé pendant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a tardé et ensuite elle est rentrée. Le Nabi alayhi salam lui a dit t'étais où? Elle a dit j'écoutais la récitation d'un homme parmi tes compagnons. Et je n'ai jamais écouté une récitation, une voix comme la sienne. Le Nabi alayhi salam s'est levé. Il l'a accompagné jusqu'à la maison de ce compagnon. Et il a écouté lui aussi sa récitation. Et ensuite, il s'est tourné vers notre mère Aïcha radiallahu anha. Il lui a dit, ce récitateur, c'est Salim, Mawla Abi Hudayfa. Et ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati mithla hadha. Allahu Akbar. C'est immense. Le Nabi alayhi sallam dit Alhamdulillah, il loue Allah, louange à Allah, qui a fait que dans ma communauté, il y a un homme comme celui-là. La ilaha illallah. Radiallahu anhu ardah. Et parmi ce qui a été rapporté de Salim radiallahu anhu, comme on a vu, c'est que il faisait partie de ceux qui mémorisaient le Coran au point où quand les premiers émigrés, yani les compagnons, les grands compagnons qui ont émigré, de Mecca vers Al-Madina, dès leur arrivée, avant de s'installer à Médine, ils se sont arrêtés, comme vous savez, à Quba. C'est là où ça a été construite la première mosquée, la mosquée de Quba. Et avant même que le Nabi ﷺ ne fasse son émigration vers Al-Madina. Donc, quand les premiers sont arrivés, ils se sont installés à Quba, et celui qui les dirigeait dans la salat, c'était Salim Mawla Abi Hudhayfa. Comme a dit Abdullah ibn Umar, il a dit, car il était celui qui connaissait le plus de le Coran. Celui qui connaissait le plus de le Coran. Et il y avait parmi eux, Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq, il est venu après. Là, il y a une riwaya dans laquelle il est cité Abu Bakr Siddiq, mais les savants, ils ont expliqué qu'il a continué à les diriger dans la salade jusqu'à ce que le Nabi sallam est arrivé. Et il y avait avec lui Abu Bakr Siddiq. Mais Abu Bakr Siddiq, comme vous savez, il est venu avec le Nabi sallam après ses premiers émigrés. Et Salim Mawla Abi Hudhayfa, il est tombé martyr dans la bataille de l'Yamama pendant la gouvernance de Abu Bakr Siddiq. Quand, dans les combats contre les apostats, l'Yamama, c'est là où ils ont combattu ceux qui étaient les plus durs. C'est la tribu des Banu Hanifa qui ont suivi Musaylim al-Kadhab, cet apostat qui a prétendu recevoir la révélation. Et pire encore, après la mort du prophète, il a menti, il a trouvé un témoin pour appuyer son mensonge, comme quoi le Nabi lui a délégué la prophétie et que ça devient un prophète après lui. Et donc, les compagnons ont combattu cette tribu, et dans ce combat, il y a eu beaucoup de sahaba qui sont décédés, notamment parmi leurs grands savants. Parmi leurs grands savants, et parmi eux, il y avait Salim Mawla Abi Hudhayfa radiyallahu anhum tous. Ensuite, nous allons parler d'un autre compagnon, ou plutôt de deux compagnons qui ont le même prénom et chacun d'entre eux est le maître de sa tribu. Vous savez, à Médine, il y avait deux tribus, il y avait l'Aous et le Khazraj, qu'on appelait Banu Qayla, car leur origine, ça revient à Banu Qayla, ils ont dit c'est leur mère, Qayla. En tout cas, ils ont la même origine. Après, ça a donné deux grandes tribus de l'Madina, deux grandes tribus arabes. Il y avait avec eux, à Médine, les juifs. Les Banu Qurayda, les Banu Nadir, et ainsi de suite. Donc, la tribu de Al-Khazraj, leur maître, était Sa'd ibn Ubada. Et la tribu de l'Aous, leur maître, était Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhuma. Deux parmi les grands compagnons, parmi les premiers dans l'islam de Médine, Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu, le premier avec lequel on va commencer, qui est décédé en l'an 14 de l'Hégire. Il est décédé en l'an 14 de l'Hégire, dans une région qui s'appelle Hauran, qui se trouve dans Cham. Cham, comme vous savez, c'est aujourd'hui l'ensemble de la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban. Avant, c'était une seule région, un seul pays qui s'appelait Al-Sham. Donc, il y a un endroit là-bas qui s'appelle Hauran. Il est décédé à cet endroit en l'an 14 de l'Hégire. Et ils disent que la cause de sa mort, radiyallahu anhu, c'est qu'il a uriné en étant debout dans un trou. Et ensuite, il est mort suite à cela. ils disent que c'est le djinn qui l'ont tué. C'est pour ça dans la sunna, il n'est pas autorisé d'uriner dans un trou. Il peut y avoir des djinns et leur faire du mal et les tuer et ils se vengent. Il y a deux compagnons qui me viennent maintenant, il y a Sa'd ibn Ubada et un autre compagnon qui a été tué par un djinn également. Le compagnon qui a vu un serpent chez lui et il a essayé de le tuer directement. Et après, le Nabi alayhi salam leur a enseigné que quand vous voyez des serpents chez vous, il faut les avertir et leur ordonner de quitter le foyer. Comme ça, si c'est un djinn, il va sortir. Et si c'est un serpent et que tu le trouves par la suite, tu le tues. Après, tu l'alertes 3 fois d'affilée, 3 fois à des moments séparés ou en 3 jours, il y a des divergences entre les hommes de science. De toute façon, il faut l'avertir et l'alerter pour qu'il sorte si c'est un djinn. Il peut y avoir des djinns dans une demeure. Il faut les avertir pour ne pas leur faire du mal. Et ce sahabi, il l'avait tué directement. Au point où le rapporteur il dit, je ne sais pas qui est décédé le premier d'entre eux, le serpent ou l'homme. Et c'est ce qu'ils disent aussi par rapport à Sa'd ibn Ubada radiallahu anhu. Selon Al-Mughir ibn Shu'ba, il dit, Sa'd ibn Ubada a dit, si je vois un homme avec mon épouse, je le frapperai avec l'épée et non pas avec le côté plat. Vous savez que dans l'épée, il y a 2 côtés qui sont plats et 2 côtés qui sont coupants, tranchants, qui sont aiguisés. Il y en a comme ça, il frappe des 2 côtés. Lui, il dit, je l'aurais frappé et non pas avec le côté plat. Car quand tu frappes quelqu'un avec le côté plat, c'est pour leur faire peur ou pour lui faire peur ou pour l'éduquer. Et ça pouvait arriver. Et même aujourd'hui, les agresseurs, quand ils attrapent quelqu'un pour lui faire peur, ils le frappent avec le côté plat du couteau, là, de l'arme qu'il a. Contrairement à quand tu frappes avec le côté coupant, ça c'est pour tuer. Donc lui dit, je le frapperai, et non pas avec le côté plat. C'est-à-dire, il va le tuer. Et quand le Nabi alayhi salam a entendu cela, il leur a dit, vous vous étonnez pas de la jalousie de Sa'd. Par Allah, je suis plus jaloux que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus jaloux que moi. La jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les savants ont expliqué, c'est quand ses limites sont transgressées. Quand le croyant il transgresse ses limites. Et la jalousie du prophète, alayhi salam, c'est pour la religion d'Allah et pour sa législation. C'est pour ça il ne se vengeait jamais pour lui-même. Uniquement quand les limites d'Allah sont transgressées. Donc Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu, c'était un homme extrêmement jaloux, qui avait une grande jalousie. Et ça, c'est considéré comme une qualité du moment que ça ne sort pas vers les soupçons et penser du mal des croyants. Là, c'est plus une qualité, c'est un défaut. La jalousie, c'est de ne pas laisser ton épouse sortir avec n'importe qui, fréquenter des hommes, travailler dans des endroits où il y a des hommes. C'est ça la jalousie. Louer. Et de faire ton maximum pour subvenir à ses besoins, afin qu'elle n'ait pas besoin de travailler ou de fréquenter, d'être dans des endroits où il y a des hommes. et d'être exposé au danger, au fitan. Yani ça, c'est d'une manière générale. Après, il peut y avoir des exceptions qu'Allah facilite à tous, mais d'une manière générale, c'est ça la bonne jalousie. C'est de ne pas la laisser sortir sans se couvrir comme il se doit, conformément à la religion. C'est de ne pas la laisser sortir parfumée ou en montrant des parties de son corps, et ainsi de suite. Et de lui éviter la mixité avec les non-maharim. Amma, quand ça devient maladif, et la personne, il y en a, j'entends, ils engagent une personne pour surveiller son épouse dans ses sorties, partout où elle va, ça c'est maladif, c'est pas, il n'y a pas un sahabi qui était comme ça. Faut faire ses choix dès le départ, bien choisir son épouse avec une piété, avec un attachement à la religion, c'est ça qui compte. Et ensuite, on se fait confiance. Lakin, faire confiance à son épouse ne veut pas dire la laisser partir avec des hommes. Ou... Là, ça c'est les ignorants qui disent comme ça. Ils disent, moi je fais confiance à mon épouse même si elle est avec des hommes étrangers. Moi aussi, je fais confiance à mon épouse, laquelle je ne fais pas confiance à ces hommes étrangers. C'est pour ça que je ne la laisserai pas avec eux. Et de même pour ma fille, de même pour ma sœur, laquelle on parle des gens sur lesquels tu as une autorité. Ton épouse, tes filles. Tu n'as pas une autorité sur ta mère ni sur ta sœur. Tu peux conseiller. C'est ce que tu as. Tu as le conseil et lui rappeler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakine, sur les membres de ta famille, ton épouse et tes filles, tu as une autorité. Tu peux l'empêcher. Et dans ces choses-là, d'une manière générale, il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. Et c'est là où on voit la sagesse du mari. Car être trop dur, il risque de briser la femme. Être laxiste également, c'est pas bon. Il faut un juste milieu. Quand c'est des choses autorisées, il n'y a pas de fitna, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de mal à laisser, il y a une certaine marge de manœuvre, lakin, dans des limites. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, Sa'd ibn Ubada a dit, Ya Rasulallah, Sa'd ibn Ubada, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit au messager d'Allah, si je vois un homme avec mon épouse, c'est-à-dire en train de faire zina wal iyadu billah, si je vois un homme avec mon épouse, je ne peux pas le toucher jusqu'à ramener quatre témoins qui voit, le prophète lui a dit oui. Sa'd radiallahu anhu a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je le tuerai immédiatement. Yani dans d'autres riwayat, il dit avant qu'il ne finisse ce qu'il a à faire avec mon épouse, je l'aurais déjà tué. Et c'est là où le Nabi Aïssa-Salam a dit, vous entendez pas ce que dit votre maître, il est très jaloux, et je suis plus jaloux que lui, et Allah est plus jaloux que moi. Donc, quand tu reviens à l'explication de ce hadith, il y en a dans l'apparence que c'est comme s'il rejetait la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est pas ça. C'est pas, il rejette le jugement d'Allah. Mais Sa'd radiallahu anhu, il s'étonne. Et non pas, il rejette le jugement d'Allah. Car ça, c'est le jugement d'Allah. Si tu vois un homme avec ton épouse en train de faire zina, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve tous, t'as pas le droit de le tuer. Tu dois ramener quatre témoins pour qu'on lui applique le hadd, qui est la lapidation jusqu'à la mort. À lui comme à la femme. Et si tu ramènes pas ces quatre témoins, Allah t'a donné une issue, car c'est une femme en général avec laquelle tu ne pourras pas continuer. Lakin, celui qui peut continuer, il peut pardonner. Alhamdulillah. Lakin, tu as une issue. Pour te séparer d'elle, c'est ce qu'on appelle al-li'an. Allah t'a légiféré al-li'an. Elle va jurer par Allah quatre fois que ce que tu dis. D'abord, c'est l'homme, le mari, qui va commencer. Il va l'accuser. Et en jurant cinq fois. Et elle va devoir se défendre obligatoirement en jurant cinq fois également. Et si elle ne le fait pas, on lui appliquera al-had, la lapidation. Si elle jure, elle va s'innocenter de son accusation et ils vont se séparer éternellement. Plus jamais ils peuvent revenir ensemble. C'est pas comme après le troisième divorce, si elle épouse un autre mari, il peut revenir avec elle. Non, là, ils vont se séparer à vie. Et même l'enfant, s'il y a un enfant de ce zina, si elle est enceinte, elle tombe enceinte après cela, ça ne sera pas attribué au mari également. Ça sera attribué uniquement à sa mère. Donc Saad radiallahu anhu a dit cela par étonnement. Yani, je vais attendre, le laisser finir son acte et chercher quatre témoins. Il s'étonnait. C'est pour ça des gens de l'Ansar qui étaient présents, ils ont dit au prophète, ils lui ont dit au messager d'Allah, ne le blâme pas, car il est très jaloux. Et ils ont justifié cela, ils ont dit au messager d'Allah, Saad n'a jamais épousé que des femmes vierges. Et même quand il divorçait une femme, personne parmi les Ansar n'osait l'épouser, tellement il était jaloux. Radiallahu anhu arda. C'est pour ça que le Nabi, quand il a été interrogé si un homme voit un autre homme avec sa femme, yani en plein acte, est-ce qu'il peut le tuer? Il a dit non. Donc ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Il y a un avis minoritaire qui dit que c'est autorisé et que son sang sera autorisé. Lakin, ça, c'est un avis minoritaire comparé à l'avis de la plupart des savants qui se sont restés sur les autres textes qui interdisent cela. Concernant Saad ibn Mu'ad, qui est décédé en l'an 5 de l'Hégire, le maître de l'Aous, il est entré en islam à Médine après l'Aqaba al-Oula. Et l'Aqaba al-Thaniya, et celui qui l'a appelé à l'islam, c'est Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, que le prophète a envoyé à Médine afin d'enseigner le Coran et d'appeler les Médinois à l'islam. C'est le premier da'iya qui a été envoyé à Médine. C'est Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu. Et par rapport à Sa'd, Al-Bara, radiallahu anhu, Al-Bara ibn Azib, le grand compagnon, il dit, il a été envoyé au prophète, alayhi salatu wassalam, un vêtement en soie. Un vêtement en soie. Et une soie d'une grande qualité. Et les compagnons, tellement ce tissu était beau et était doux, ils ont commencé à le toucher, à s'étonner de sa beauté et de sa douceur. Le prophète alayhi leur a dit, vous vous étonnez de la douceur de ce tissu, par Allah. Les mouchoirs de Saad au paradis sont meilleurs et sont plus doux. Rapporté dans les deux authentiques. Et dans une autre riwaya, il a été envoyé un vêtement en soie. Et le Nabi interdisait aux hommes de porter la soie. Mais les gens ils s'étonnaient de la beauté de ses tissus, de sa douceur. Donc, un des événements les plus marquants de l'histoire de l'islam qui concerne Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu, c'est son jugement dans les Bani Qurayza, les juifs de Bani Qurayza. Vous savez les coalisés, la guerre des coalisés ou la bataille des coalisés, quand l'Ahzab se sont réunis, ils sont venus attaquer les musulmans à Médine. Médine, elle se trouve entre deux terres remplies de pierres noires qu'on appelle Harra. À Médine, il y a le Harra al-Gharbiya et le Harra al-Sharqiya. Une se trouve à l'est et l'autre à l'ouest. Et dans le nord de Médine, il y a la grande montagne de Uhud. Et ces terres noires, remplies de pierres noires, elles ont une particularité, c'est que c'est très difficile de les traverser. C'est impossible de les traverser. C'est des pierres qui font mal. Et comment le cheval il va marcher, ou même les gens à pied, comment ils vont marcher dans cette... C'est pour ça, ça c'était une protection de Médine, de ces deux côtés-là, ces deux terres. Et la montagne de Uhud aussi, c'était une autre protection du côté nord de Médine. Et il y avait un seul côté par lequel les gens pouvaient arriver. C'est le côté qui se trouve dans le sud de Médine. C'est pour ça, quand les coalisés ont attaqué Médine, Salman radiallahu anhu a donné au prophète alayhi salallahu alayhi l'idée de creuser ces tranchées afin de protéger Médine de ce côté-là. Et c'était une excellente idée avec laquelle Médine est devenue protégée de tous les côtés. Il restait un seul petit endroit dans lequel étaient installés les Banu Qurayza, les juifs de Banu Qurayza, mais ils étaient en pacte avec les musulmans. Quand le Nabi est arrivé à Médine, ils ont fait un pacte avec eux, comme quoi on est ensemble, on protège Médine contre les attaques des ennemis. Et contre cela, ils peuvent rester sur leur religion, car c'est des gens du livre. On peut les garder sur leur religion quand on va dans un pays. Quand les musulmans ont conquis les pays dans lesquels il y avait les juifs ou les chrétiens, ils leur ont laissé le choix de rester sur leur religion. Ils ne leur ont pas imposé de devenir musulmans. Lakin, en général, la plupart d'entre eux devient musulmans. Et ça, c'est parmi les sagesses. Regardez en Égypte aujourd'hui. La majorité de la population sont des musulmans, alors que les bases, c'était des chrétiens. Tous des chrétiens. Les gens du livre, ils ont cette particularité. Quand ils voient l'islam, ils voient les points qu'il y a en commun avec leur religion, et aussi la véracité de l'islam comparée à la falsification qu'il y a eu dans leur religion, ceux qui sont sincères et qui veulent que la vérité, ils vont suivre l'islam. Ils vont suivre l'islam. Et ça, c'est parmi les sagesses de la législation. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? Naam. L'Anna, Bani Qurayza, ils étaient sur une partie et ils représentaient à leur tour aussi une protection. Ils avaient... Et je disais que Banu Qurayza, ils représentaient une protection de ce même côté-là également, car ils avaient construit des forteresses Il y en a les juifs partout, ils sont comme ça, ils ont peur, ils construisent des forteresses pour se protéger. Et donc ça représentait une protection, du moment qu'ils respectent leur engagement avec les musulmans. Ce qui s'est passé, c'est quand ils ont vu que le grand nombre des koufars, ils ont trahi le pacte. Ils ont trahi le pacte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vaincu ses ennemis et ils sont tous repartis s'écoaliser. Vaincus. Et là, Nabi alayhi salatu wassalam s'est vengé de ces Banu Qurayza. Ils ont accepté d'être jugés par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le Nabi alayhi salatu wassalam a délégué à Sa'd ibn Mu'ad. Il a délégué à Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu de les juger. Ils ont accepté qu'il les juge. Il y en a, il était proche d'eux avant l'islam. Il était proche d'eux avant l'islam. Ils ont dit, il va être doux envers nous dans son jugement. Et Sa'd radiallahu anhu est venu sur un dos de sur le dos d'un âne, il est venu. Et quand il s'est approché de la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux Médinois, levez-vous pour votre maître, c'est-à-dire pour le saluer, et pour le meilleur d'entre vous. Et il y a une sagesse dans cela aussi pour montrer son statut, afin que tout le monde accepte son jugement. Et le Nabi alayhi salam lui a dit, ils ont accepté d'être jugés par toi. Sa'd radiallahu anhu a annoncé aussitôt son jugement. Il a dit, mon jugement, c'est qu'on tue les hommes parmi eux, les combattants, et qu'on prend leurs femmes et leurs enfants, yani comme un sabi. De les prendre comme un sabi. Yani, ça rentrera dans le butin de guerre. Yani ce que les musulmans prennent dans les guerres. Yani des captivités, des choses comme ça. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Et le Nabi alayhi salam a dit à Sa'd ibn Mu'ad, il lui a dit, tu les as jugés avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que son jugement, il correspond à 100% à ce que Allah veut. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Aussi, il a été rapporté au sujet de Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, que quand il est décédé, quand il est mort, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a bougé suite à la mort de Sa'd ibn Mu'ad. Et c'est rapporté dans le Hakim que Jibril alayhi salam a dit, c'est qui cet homme pour lequel se sont ouvertes les portes du ciel et que tous les gens du ciel se sont réjouis à la venue de son âme. C'est pour ça le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a bougé par joie et par réjouissance à l'accueil de son âme. Ça, c'est dans les explications. Les hypocrites, quand on a porté le janaza de Sa'd radiallahu anhu, les hypocrites ont dit, son corps est devenu tellement léger. La nasa janaza, quand on le portait, était légère. Le prophète alayhi salam a dit, oui, car les anges le portent. il était porté par les anges. Radiallahu anhu arda. Et par rapport à sa mort, il a été rapporté, selon Jabir radiallahu anhu, dans l'authentique de l'imam muslim, que Sa'd a été touché dans une veine dans l'épaule. Il a été touché dans une veine dans son épaule, par une flèche. Nabi alayhi salam a retiré la flèche et il l'a cautérisée. Il a cautérisé l'endroit afin d'empêcher la sortie du sang et le saignement. Il l'a cautérisé avec yani, la partie métallique qu'il y a sur la tête de la flèche, la pointe de la flèche. Effectivement, ça s'est fermé. Mais, après un certain temps, ça s'est enflé et ça a commencé à saigner à nouveau. Le Nabi alayhi salam l'a cautérisé une deuxième fois. Et ça, comme j'ai dit, c'était dans la bataille des coalisés. Le Nabi alayhi salam l'a cautérisé, après ça s'est enflé, il l'a cautérisé une deuxième fois. Et Sa'd radiallahu anhu, quand il a vu ça, il y en a à l'époque, quand il y avait un grand saignement, une hémorragie, c'est un signe de la mort qui est proche. Sa'd radiallahu anhu, il a invoqué Allah, il a dit, oh Allah, ne prends pas mon âme jusqu'à me faire voir ce que j'aimerais voir dans ces ennemis d'Allah parmi les Bani Qurayza, les Juifs. Et subhanallah, ils disent, quand il a fait cette dua, yani, ça s'est renfermé aussitôt. Et c'est là où il a jugé de garder en vie leurs femmes et leurs enfants et de tuer les combattants parmi eux. Et ils étaient, les combattants parmi eux, ils étaient, leur nombre était de 400. Et après avoir appliqué cette sentence, peu de temps après, Sa'd radiallahu anhu est décédé. Et quand il a été touché, dans une autre riwaya, selon notre mère Aïcha radiallahu anha, quand il a été touché, le Nabi alayhi salam a ordonné à ce qu'on lui construise une tente à côté du prophète alayhi salam, afin de le visiter régulièrement. Et après la fin de la bataille, Nabi alayhi salam est rentré, et il a retiré ses armes et il s'est lavé. Et quand il s'est lavé, Jibril alayhi salam est venu voir le Nabi alayhi salam. Alors, il est venu voir le Nabi alayhi salam, il lui a dit, t'as déposé tes armes? Il lui a dit, par Allah, moi, je n'ai pas déposé mes armes. Sors vers ces gens-là. Le Nabi alayhi salam lui a dit qui? Il a dit, les Bani Qurayza. Et le Nabi alayhi salam, il est parti, et ils étaient jugés par Sa'd. Et ils ont accepté d'être jugés par le prophète alayhi salam. Le Nabi alayhi salam a remis le jugement à Sa'd radiallahu anhu, et il les a jugés comme on a vu. Et Aïcha radiallahu anha dit que Sa'd radiallahu anhu a dit, oh Allah, il a fait une autre dua après celle-là. Il a dit, oh Allah, si tu sais qui sont les gens que j'aimerais tellement combattre, ceux qui ont démenti ton prophète et qui l'ont fait sortir, il parle des mécréants de Quraysh. Il dit, oh Allah, j'aimerais les combattre. Si tu sais qu'il y a encore un combat contre eux, garde-moi en vie jusqu'à les combattre. Et si tu sais qu'il n'y aura plus de guerre contre eux, alors prends mon âme. Et la plaie s'est explosée et le sang a tellement saigné, il est mort aussitôt, radiallahu anhu. Et ça, on prend de ça que après les coalisés, il n'y aura plus de combat contre Quraysh jusqu'à la conquête de Mecca, où Yani pour ne pas dire la totalité sont entrés en islam, mais la grande majorité. Un autre sahabi, qui est un frère d'allaitement du prophète, alayhi salatu wassalam, également, qui est Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Al-Harith, c'est un frère du prophète, du père du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est son frère d'allaitement. Tous les deux ont été allaités par Halim al-Sa'diya. Et Abu Sufyan ibn al-Harith, c'était parmi ceux qui faisaient le plus de mal au prophète, alayhi salatu wassalam, avant son islam. Il était entré en islam lors de la conquête de Mecca. Il a participé avec le prophète, alayhi salam, dans la bataille de Hunayn, qui a eu lieu très peu de temps après la conquête de Mecca. Et pourtant, il était parmi ceux qui sont restés avec le Nabi, alayhi salam, quand la majorité des gens sont partis pendant la bataille. Il ne restait avec le Nabi, alayhi salam, que peu d'hommes. Et parmi eux, il y avait Abu Sufyan ibn al-Harith, radiyallahu anhu wa ardah. Et il tenait le mulet du prophète, car dans la bataille de Hunayn, le Nabi était sur un mulet. Il tenait le mulet du prophète d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, afin qu'elle ne va pas vite vers le kuffar. Car les gens y fuyaient, mais le Nabi, il allait droit vers le kuffar. Il disait « Ana al-Nabi la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib » radiyallahu alayhi salatu wassalam, de son courage, de sa bravoure, sallallahu alayhi wassalam. Et eux, ils la retenaient un petit peu pour que ça, qu'ils n'arrivent pas directement vers le kuffar. Mais le Nabi sallam, il allait vers eux. Et le Nabi sallam a dit de lui, de Abu Sufyan ibn al-Harith, il a dit, c'est le meilleur de ma famille. Le meilleur de ma famille. Et on comprend qu'il est parmi les meilleurs de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il n'est pas comme Ali ibn Abi Talib, bien évidemment. Je ne sais pas si on continue. Je voulais finir avec l'histoire de Salman al-Farisi. Elle est un peu longue. Tayyib, on va terminer avec les mérites de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit Salman al-Farisi. On l'appelle déjà Salman al-Farisi parce qu'il est parmi les forces. Et c'est le premier des persans qui sont entrés en islam. On va voir son histoire, comment sa quête de la vérité. Et comment il est passé d'une religion à une autre jusqu'à arriver à la religion de la vérité. Radiyallahu anhu arda. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, on était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam quand lui a été révélé sourate al-Jumu'ah. Quand le Nabi alayhi salam a récité wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Un homme a dit, qui sont ces hommes-là au messager d'Allah? Nabi alayhi salam ne lui a pas donné de réponse. Et il a posé la question une deuxième fois. Il a dit, qui sont ceux-là au messager d'Allah? Il ne lui a pas répondu. Et à la troisième reprise, et il y avait parmi eux, il y avait Salman al-Farisi radiyallahu. Nabi al-Sallam a posé sa main sur Salman et il a dit, si la foi était dans les étoiles, il aurait atteint des hommes comme celui-là. Yani des persans, comme c'est dit explicitement dans d'autres versions. Si la foi était aux étoiles, des hommes l'auraient atteint. Et il a montré Salman al-Farisi radiallahu anhu. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Il envoyait aussi à d'autres qui ne les ont pas encore rejoints. Et c'est pour ça que le Nabi sallam il a indiqué Salman al-Farisi, d'autres peuples qui ne sont pas encore devenus musulmans. Allah Azza wa Jalla l'a envoyé à vous les Arabes et à d'autres peuples qui ne sont pas encore entrés en islam au moment où sourate al-Jumu'ah a été révélée. Au moment où sourate al-Jumu'ah a été révélée. Il y en a dans le verset avant, si vous lisez le verset avant, vous comprenez mieux. Allah dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. C'est lui qui envoya parmi les illettrés. Et ça, c'est les Arabes. Les illettrés, un messager issu de leur peuple, un arabe comme eux, qui leur récite ces versets, les purifie, les initie au livre et à la sagesse. Même si autrefois ils étaient dans un égarement manifeste. Et ils l'envoyaient aussi à d'autres peuples. Contemporains des Arabes, et qui seront appelés à entrer en islam également. Et aussi à des peuples à venir. Nabi Isa salam a été envoyé aux hommes comme aux djinns, à tous. Alayhi salatu wassalam. Son message est universel, contrairement à tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé. Ils étaient envoyés spécialement dans leur peuple. Donc, par rapport à l'histoire de Salman radiallahu anhu, il dit lui-même, c'est lui qui raconte son histoire, avec une bonne chaîne de transmission. Il l'a raconté à Abdullah ibn Abbas, qui nous l'a rapporté, radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, il dit, m'a raconté Salman al-Farisi, son histoire. Et dans laquelle il dit, j'étais un homme persan, parmi les gens de Asbahan. Asbahan, c'est une des plus grandes villes de l'Iran, qui se trouve en Iran actuellement, et l'Iran avant, il englobait d'autres pays qui se sont séparés aujourd'hui, et qui sont tous des persans, comme le Tadjikistan, le Turkménistan, et ainsi de suite. Donc Asbahan, c'est une région et c'est aussi une grande ville dans cette région, autour de laquelle il y avait beaucoup de villages et de petites villes. Et lui, il était originaire d'une petite ville à côté de Asbahan qui s'appelle Jay. Et son père, le père de Salman, était un dignitaire de ce village. Et c'était un commerçant aussi. Il possédait des biens et c'est quelqu'un qui était comme le chef de cette tribu. Et il dit que Salman, il était la personne la plus aimée par son père. Son père, il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement qu'il le laissait jamais sortir. Il dit, Salman, il faisait avec moi comme avec une fille. L'habitude, c'est qu'on ne laisse pas les filles sortir dehors afin de les protéger et de les préserver. Donc il dit, il l'empêchait de sortir comme une fille, tellement il l'aimait, son père. Et ils étaient dans la religion de l'Majous, la religion mazdéenne, qui consiste à qui adore le feu, car c'est le symbole de leur divinité. Donc c'est les adorateurs du feu. Il a dit, il a fait tellement d'efforts dans cette religion mazdéenne jusqu'à ce qu'il est devenu celui qui s'occupe du feu. Et ça, c'est vraiment dans cette religion, C'est le degré le plus élevé que tu puisses atteindre. C'est toi qui vas t'occuper d'allumer le feu. Et son rôle est de l'allumer et de ne le laisser jamais s'éteindre. Et son père avait une grande ferme. Et un jour, c'est son père qui s'occupait de sa grande ferme. Un jour, il a été préoccupé par d'autres activités, une construction quelque part. Il a demandé à Salman d'aller veiller sur la ferme. Contrairement à son habitude, où il ne le laissait aller nulle part. Effectivement, Salman radiallahu anhu est sorti pour aller dans cette ferme et faire ce que son père lui a dit. Sur la route, il est passé par une église des chrétiens. Il a entendu des voix, il les a vus en train de faire une salat. Et avant cela, il ne savait pas qu'il y avait d'autres religions. Car il a grandi dans sa maison et il n'allait nulle part et il n'a connu que la religion mazdéenne. Quand il a vu les chrétiens, il a bien aimé ce qu'ils font. Il a aimé leurs invocations. Il a souhaité devenir comme eux. Il a dit par Allah sur quoi ils étaient est meilleur que sur quoi je suis. Il leur a demandé « Votre religion, elle vient d'où ?» Son origine. Ils lui ont dit « Al-Sham ». Sham, yani, de la Syrie, la Palestine. Là, l'origine de la religion chrétienne, ça sera plus la Palestine, aujourd'hui. Là, avant, c'était tout ça, c'était une même région qui s'appelle Sham. Ils lui ont dit Sham. Et quand c'était le soir, il est rentré voir son père. Et son père déjà a commencé à paniquer, à le chercher partout. Et quand il est revenu, il lui a dit « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Il lui a dit « Je suis sorti pour faire ce que tu m'as dit, mais je suis passé par une église. » Il lui a raconté ce qu'il a vu. Il lui a dit qu'il est resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et qu'il a bien aimé leur religion. Et qu'il l'a même préféré à la sienne. Son père lui a dit, par Allah, notre religion est meilleure que la leur. Et il a eu peur pour lui depuis ce jour-là. Qu'il aille avec ses chrétiens. Et depuis ce jour-là, il l'a ligoté dans sa maison. Non seulement il l'a empêché de sortir, il l'a emprisonné chez lui, mais il l'a ligoté en plus. Et Salman, il poursuit, il a trouvé le moyen de contacter ces chrétiens et de leur demander quand est-ce qu'il viendra une caravane commerciale de Sham, dans laquelle il y a des commerçants chrétiens, qui l'informent quand cette caravane viendra. Et effectivement, quand il y a eu une caravane, ils lui ont envoyé un message comme quoi il y a une caravane qui est venue avec des commerçants chrétiens. Il leur a dit « Quand ils vont s'apprêter à partir, faites-moi signe. » Et effectivement, ils l'ont informé, il a réussi à défaire ces cadenas qu'il avait, il a pris la fuite, il les a accompagnés vers Sham. Quand il est arrivé vers Sham, il leur a dit « C'est qui le meilleur d'entre vous dans cette religion ?» Regardez, on voit une détermination, une grande volonté et des ambitions fortes. C'est pas il veut devenir un chrétien. Il veut accompagner le meilleur d'entre eux. Car dans sa religion, il est arrivé au degré le plus élevé. Donc, il va suivre la religion chrétienne. Il veut aussi être avec les meilleurs d'entre eux. Ils lui ont indiqué un évêque dans une église. Et l'évêque, c'est chez les chrétiens, c'est un degré supérieur à un simple curé ou un simple curé ou un abbé. Lakin, c'est inférieur au degré le plus élevé qu'ils ont, qui est l'archevêque. Donc l'évêque de cette église, effectivement, il est allé vers lui. Il lui a dit, voilà, j'ai aimé votre religion et j'aimerais rester dans ton service et apprendre de toi ta religion. Et il a accepté. Et cet évêque, il invitait souvent les gens de sa région à donner des aumônes. Et quand il lui ramenait les aumônes, qu'est-ce qu'il faisait? Il les donnait aux pauvres? Non. Il les ramassait dans des grandes jarres qu'il avait. Jusqu'à ce qu'il a ramassé cette immense jarre remplie d'or et d'argent, et de bijoux et de trésors. Et Salman, radiallahu anhu, quand il a vu de lui ça, il l'a détesté. Mais il ne pouvait rien faire. Il voyait qu'il prenait les biens, il ne les donnait pas, il ne les distribuait pas aux pauvres, comme il leur faisait croire. Il a dit, je les détestais énormément. Et quand il est décédé, les chrétiens sont venus pour célébrer sa mort et pour l'enterrer. Salman radiallahu anhu leur a dit, ça c'était un homme mauvais. Ils lui ont dit, pourquoi tu dis ça? Et il leur a raconté l'histoire. Ils lui ont demandé des preuves, il leur a dit, venez, je vais vous montrer les 7 jarres qu'il a ramassées. Et effectivement, quand ils ont sorti ces jarres-là, ils ont trouvé tous ces dons et ces aumônes dans ces jarres-là. Suite à cela, ils l'ont crucifié et ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé, mort. Et ils ont ramené un autre évêque. Ils ont ramené un autre homme après la mort du premier. Salman radiallahu anhu, il a dit, je suis resté dans sa compagnie. Et il a dit, je n'ai jamais vu un homme bon comme celui-là qui n'est pas musulman. Là, Allah, il raconte quand il a connu l'islam. Mais avant de connaître les musulmans, il n'a jamais vu un homme aussi bon que celui-là dans sa vie. Son expression, elle a dit, je n'ai jamais vu un homme comme lui qui ne fait pas les 5 salawats. Il y en a qui n'est pas musulman. Il y en a celui qui ne fait pas les 5 salawats, c'est pas un musulman. Et il a dit qu'il a vu qu'il était un homme d'un grand mérite, qui avait un grand ascétisme, un grand délaissement et renoncement au bien de ce bas monde, et un grand attachement à l'au-delà. Et il avait des adorations qui faisaient de jour comme de nuit. Il a dit, je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé auparavant. Et je suis resté avec lui un long temps jusqu'à sa mort. Et quand la mort est arrivée, je lui ai dit, voilà, je suis venu, j'ai aimé ta religion, je t'ai aimé comme j'ai jamais aimé quelqu'un avant toi. Et voilà, maintenant, tu me conseilles d'aller vers qui après toi? Qui est sur la même religion que toi? Et Hadou, c'était parmi les derniers qui étaient sur Tawhid, parmi les derniers chrétiens qui étaient sur le monothéisme. Il lui a dit, tu me conseilles d'aller vers qui après toi? Il lui a dit, oh mon fils, je ne connais personne qui est sur la même voie que moi aujourd'hui. Les gens ont changé leur religion et ont falsifié. Je connais un seul homme qui est comme moi, qui se trouve dans la ville de Mawsil. Mawsil, c'est une ville en Irak. C'est la capitale de la région de Nainawa, dans laquelle a été envoyé le prophète Younous alayhi salam. Mawsil, c'est toujours une ville qui existe encore aujourd'hui en Irak avec le même nom, Mawsil. Et il lui a cité un homme là-bas, dans cette ville, avec son nom. Il est parti, il l'a rejoint. Il a dit, je l'ai trouvé comme celui avec lequel j'étais. Sur la même voie, sur la même religion, la même sincérité. Et quand il est venu, il l'a informé, il lui a parlé de son histoire, et que c'est l'évêque d'avant qu'il l'a envoyé vers lui. Il lui a dit, reste avec moi. Et il l'a trouvé, comme j'ai dit, sur la même voie que le précédent. Quand la mort est arrivée à ce deuxième évêque qui était sur Tawhid, il lui a demandé de l'orienter vers quelqu'un sur la même voie que lui. Il lui a dit, par Allah, je ne connais pas un homme qui est sur la même voie que moi et le précédent, à l'exception d'un homme qui se trouve à Nasibin. Nasibin, c'est en Turquie. C'est en Turquie, une ville, une grande ville en Turquie qui a une longue histoire et dans laquelle il y avait des Kurdes, des Arabes et des Turcs aussi. Aujourd'hui, peut-être que la plupart des habitants de cette région sont des Kurdes. Donc, il a rejoint cet homme-là et il lui a raconté son histoire et il l'a trouvé sur la même voie que les deux précédents. Quand la mort est arrivée à ce dernier, il lui a demandé la même chose, il lui a dit pareil. Il lui a dit, je ne connais personne qui est sur la même voie que nous, à l'exception d'un homme qui vit à Amouria. Amouria, c'est dans une autre région de la Turquie, qui s'appelle, la région, elle s'appelle Anadolu, qui s'appelle encore aujourd'hui comme ça. Il l'a rejoint et c'était la même chose. Il est resté avec cet évêque de Amouria. Il l'a trouvé sur la même guidée, sur la même voie que les précédents. Et dans cette région, Salman, radiallahu anhu, a pu travailler un petit peu et gagner de l'argent, de quoi il s'est acheté des vaches et des moutons. Il avait quelques vaches et quelques moutons. Et quand la mort est arrivée à ce dernier évêque, il lui a demandé de l'orienter vers quelqu'un sur la même religion que lui, sur la même voie que lui. Il lui a dit, je ne connais plus personne sur terre qui est sur la même voie que nous. Mais bientôt sortira un prophète qui sera envoyé, qui sortira dans la terre des Arabes et qui sera envoyé avec la religion de Ibrahim. Et il va émigrer vers une ville qui se trouve entre deux terres noires remplies de cailloux, El Medina. Subhanallah, on a vu il n'y a pas longtemps la description de El Medina. Donc, ça correspond à ce que cet homme a dit. El Medina, aujourd'hui, si vous faites Google Maps ou là, des choses comme ça, vous voyez qu'elle est entourée par ces deux terres, à l'est et à l'ouest, qui sont noires. Donc, il lui a dit, bientôt il va sortir ce prophète, et il lui a donné parmi ses signes, il lui a dit, je vais t'indiquer des signes qui sont visibles. Il mange le cadeau, et il ne mange pas la sadaqa. L'aumône, il ne la mange pas. Et le cadeau, il l'accepte. Entre ses deux épaules, le sceau de la prophétie. Si tu peux le rejoindre et être dans ce pays-là jusqu'à ce qu'il sorte, fais-le. Et quand cet homme est décédé, Salman il dit qu'il est resté à Amouria un certain temps. Et ensuite, il a trouvé des hommes de la tribu de Kelb, une tribu arabe connue. Des commerçants qui sont venus à Amouria pour faire du commerce. Il leur a dit, vous allez vers la terre des Arabes? Ils ont dit oui, c'est notre terre. Il leur a dit, prenez-moi avec vous et je vous donne mes vaches et mes moutons. Ils lui ont dit d'accord. Et ils l'ont pris avec lui jusqu'à arriver à un endroit qui s'appelle Wadi al-Qura, qui se trouve entre Taïma et Khaybar, une vallée qui est à peu près entre 400 et 500 bornes, kilomètres de Médine aujourd'hui, cette région-là. Eux, ils étaient originaires de cette région-là. Ils l'ont accompagné jusqu'à cet endroit-là et ils l'ont vendu comme un esclave, un juif de cette région. Alors que c'était un homme libre. Donc, ils ont trahi leur engagement envers lui. Il est resté avec ce juif dans cette vallée de Qura, Wadi al-Qura, il a vu ce que c'était les palmiers. Il a vu les palmiers dans cette région. Il pensait que c'était ça, Médine. Mais il n'était pas sûr. Et un jour, pendant qu'il était avec ce juif qu'il a acheté, pour lequel il travaillait comme esclave, son cousin de Bani Qurayza, de Médine, est venu lui rendre visite. Et quand il l'a visité, il a vu Salman, il a bien aimé cet homme, il lui a dit de lui vendre. Il lui a vendu et il l'a pris avec lui à Médine. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il lui a facilité. Et dès qu'il est entré à Médine, il a dit, dès que je suis entré à Médine, j'ai su que c'était la ville que l'homme de Amouria m'avait décrit. Il est resté à Médine jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète à Mecca. Il est resté à Mecca et ensuite il est venu à Médine. Et tellement Salman il était pris par les tâches de son maître et tout ce qu'il devait faire pour lui comme travail, le temps est passé. Jusqu'à ce que le Nabi Aïssa salam a émigré vers le Médina. Et là, il dit Salman un jour, quand le Nabi Aïssa salam a émigré vers le Médina, dès son arrivée, lui, il travaillait dans un palmier. Pendant qu'il était monté sur le palmier, le cousin de son maître, un autre cousin juif de son maître était assis. Et son cousin est venu le voir. Il lui a dit qu'Allah combatte les Banu Qayla. Banu Qayla, c'est l'Aws et le Khazraj. Il lui a dit pourquoi ? Il a dit ils sont réunis autour d'un homme à côté de Quba qui prétend être un prophète et qui est venu de Mecca. Ils prétendent que c'est un prophète. Quand Salman a entendu cela, il a dit Akhadatni al-urawa. Il a été pris par une grande agitation et des frissons. Au point où il a pensé qu'il allait tomber sur la tête de son maître. Radiallahu anhu arda. Et il est descendu du palmier. Il a dit à son maître, dis à ton cousin de répéter ce qu'il a dit. Il lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu as à faire avec ça? Et il l'a cogné, il lui a donné un coup de poing d'une manière forte. Il lui a dit, retourne, fais ce que tu as à faire. Et ne te préoccupe pas de ces choses-là. Le soir même, Salman radiallahu anhu, après avoir fait son travail, il a pris quelques dattes qu'il avait ramassées. Il est parti à Quba. Il a trouvé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là-bas avec ses compagnons. Il est entré et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'a dit que tu es un homme de bien, que tu es un homme vertueux et avec toi des compagnons qui sont étrangers et dans un grand besoin. Voilà, je vous ai ramené une sadaqa, des dates en aumône, une sadaqa. Et j'ai vu que vous la méritez plus que autre personne. Il lui a donné les dates. Le Nabi alayhi salam a dit à ses compagnons, mangez. Et Salman, il a observé, il a vu que le Nabi alayhi salam n'a pas mangé. Il a dit, voilà le premier signe. Et ensuite, il est retourné chez son maître, il a continué à travailler jusqu'à ce qu'il a eu une autre quantité de dattes. Il est venu voir Nabi alayhi salam une deuxième fois. Il lui a dit, voilà, l'autre jour j'ai ramené des dattes, mais j'ai vu que tu n'as pas mangé. Voilà, je t'offre ça comme cadeau. Et Nabi alayhi salam a mangé de ce cadeau et il a demandé à ses compagnons de manger également. Il a dit, voilà le deuxième signe. Il est revenu un autre jour voir Nabi alayhi salam pendant que le prophète alayhi salam enterré un de ses compagnons dans Al-Baqi'a, dans le cimetière de Al-Baqi'a. Et il a suivi le convoi funéraire. Le prophète a suivi, lui aussi il l'a suivi. Et pendant qu'il suivait le convoi funéraire, il a dit que le prophète avait deux morceaux de tissu, un morceau sur la partie supérieure et sur la partie inférieure. Izar wa rida. Après l'enterrement, Nabi Aïssa s'est assis avec ses compagnons et Salman est venu lui passer salam. Et ensuite, il est venu derrière le prophète Aïssa salam, il observait au niveau de son dos. Est-ce qu'il allait voir le sceau de la prophétie? Et le sceau de la prophétie, comme il est décrit dans des hadiths, c'est comme des graines de beauté qui forment un cercle de la taille d'un œuf de pigeon. Il regardait au niveau du dos du prophète alayhi sallam, est-ce qu'il allait voir ce sceau de la prophétie? Et quand le Nabi alayhi sallam l'a vu, il a su qu'il cherchait quelque chose qu'on lui a décrit. Et il a retiré le vêtement supérieur, il a découvert son dos, et Salman a vu le sceau de la prophétie. Et il a su que c'était lui. Il dit, et je me suis penché vers lui, je l'embrassai tout en pleurant. Nabi alayhi sallam lui a dit, passe devant moi. Tout ça, c'était derrière le prophète alayhi sallam. Effectivement, il est passé devant le prophète alayhi sallam, il s'est assis devant lui, et il lui a raconté son histoire. Salman, il lui dit, je lui ai raconté mon histoire, comme je te l'ai raconté, Ibn Abbas. Et Nabi alayhi sallam a bien aimé l'histoire de Salman, et il a bien voulu que les compagnons entendent cette histoire. Et ensuite, Salman, après son islam, il est resté dans l'esclavage. Et c'est ça qui l'a empêché de participer dans la bataille de Badr et de Uhud. Ensuite, Nabi alayhi sallam lui a dit, ô Salman, rachète-toi de ton maître. Et son maître a effectivement accepté de faire un contrat avec Salman, on appelle ça le mukataba en islam, un esclave, il peut se racheter lui-même de son maître. Ils font un contrat contre une somme, ou contre un nombre d'années de travail, peu importe, quand il remplit ces choses-là, il devient libre. Et son maître juif a exigé qu'il plante 300 palmiers, et qu'ils poussent tous, et qu'ils donnent des fruits. Et de lui donner 40 ouqiyas en or. L'ouqiyah, c'est 30 grammes. Donc 40 ouqiyas, ça fait 1200 grammes. 1,2 kg d'or. Le prophète alayhi sallam a dit aux compagnons, aidez votre frère. Et ils l'ont aidé. Chaque homme ramenait ce qu'il trouvait comme palmier, des boutures. Il lui ramenait des boutures pour les planter. Certains ont ramené 30, certains ont ramené 20, 15, en tout cas chaque homme aidait comme il pouvait, jusqu'à ce qu'ils ont réuni les 300 boutures de palmiers. Et Nabi alayhi sallam lui a dit, vas-y Salman, creuse des trous et ne place pas les boutures jusqu'à m'appeler. Et effectivement il est parti, il a creusé. Et quand il fallait les mettre, il a convoqué le Nabi alayhi sallam, il est venu, et c'est le prophète alayhi sallatu wassalam qui les a placés lui-même avec ses mains. Alayhi sallatu wassalam. Et toutes ont poussé, et toutes ont donné des fruits. Il y en a quand on fait, il y en a ceux qui connaissent ce domaine, quand tu plantes 300, peut-être que tu auras 100 ou la 50 qui vont pousser. Pas toutes. Lakin, ça c'était le Nabi alayhi salatu wassalam. Il restait l'argent. Il restait les 40 ouqiyas. Le Nabi alayhi salatu wassalam, un jour, il a reçu d'une de ses batailles, il a reçu un butin qui était équivalent à la taille d'un œuf de poulet en or. Un œuf d'un poulet en or, ça fait combien de grammes? Ça fait à peine 200, maximum 300 grammes. Donc il a reçu ça. Il a dit à Salman, prends cet or et paye ce que tu dois payer, yani, afin que tu deviens libre. Il a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que ça va faire ça comparé à tout ce que je dois? Yani, il doit plus d'un kilo, 1200 grammes. Nabi alayhi sallam lui a dit, vas-y, et paye, et Allah subhanahu wa ta'ala va te le permettre. Et effectivement, il est parti, et le juif a pesé jusqu'à ce qu'il a récupéré les 40 uqiyah. Et il est devenu libre, et depuis, il n'a jamais loupé aucune des batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Il a participé dans la bataille de l'Khandaq, les tranchées, contre les coalisés, et c'est lui qui a donné l'idée, alayhi salatu, radiyallahu anhu, wa ardaah. Parmi ce qui est rapporté de Salman, radiyallahu anhu, c'est que son zuhd et son délaissement de dunya et renoncement à ses biens éphémères, Sa'd radiyallahu anhu lui a rendu visite un jour quand Salman était malade. Et il le rassurait. La nasayn sunna, quand tu visites un malade, de lui donner des bonnes, de lui dire des bonnes paroles, de le réconforter. Et il lui disait, t'es parmi les compagnons du prophète alayhi salam salam, t'as fait avec lui ça et ça, t'as assisté à ça et ça. Salman lui a dit, je ne pleure pas à cause de deux choses. Yani, il y a deux choses, moi, ce que tu vois comme pleurs, c'est pas pour deux choses. Afin que tu ne penses pas ça. La première, l'amour de dunya. Et la deuxième, yani, ce n'est pas par amour de dunya, ni par détestation de l'akhira. Et la plupart des gens, quand ils pleurent, quand ils sont malades, c'est parce qu'il va délaisser de dunya, il a peur de l'akhira. Lui, il lui a dit, moi, ce n'est pas ça. Il lui a dit, par contre, ce qui me fait peur, c'est une promesse que j'ai donnée au prophète alayhi salam. Il y a un engagement que j'ai eu avec lui et je vois que je l'ai transgressé. Que je l'ai transgressé. Il lui a dit, c'était quoi cet engagement? Il lui a dit qu'il me suffit de ce bas monde ce que suffit au voyageur. Le voyageur, quand il part en voyage, les voyageurs, quand ils partent en voyage, vous savez, surtout à l'époque, yani à pied ou à deux chameaux, la cheval, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Il va prendre uniquement les choses dont il a besoin et desquelles il ne peut pas se passer. En nourriture, en boisson et en vêtements. Peut-être qu'il va prendre ce qu'il porte et un seul vêtement pour se changer. Donc, il lui a dit, tu te contentes de cette dunya, de ce que suffit aux voyageurs. Et il lui a dit, je pense que j'ai dépassé ce que Nabi alayhi salam m'a dit et que je ne l'ai pas respecté. Et ensuite, il a donné un conseil à Saad. L'Anna Salman, il n'était pas dans les responsabilités, mais Saad, radiyallahu anhu, il était dans les responsabilités. Il était émir, gouverneur. Il lui a dit, par contre, toi, Saad, je te conseille de craindre Allah quand tu juges entre les gens et quand tu partages les biens entre eux et de le craindre et aller dans toutes les choses, même dans tes pensées. Avant d'agir, de le craindre dans tes pensées. Est-ce que c'est des choses qu'Allah aime ou pas? Donc il lui a donné des conseils qui correspondent à un gouverneur. Et ensuite, Thabit, le rapporteur de cette riwaya, il dit, quand Salman radiallahu anhu est décédé, ils ont trouvé chez lui 20 et quelques dirhams, des choses qu'il avait pour dépenser sur lui-même, et les membres de sa famille. Yani, c'est l'équivalent aujourd'hui de, si on multiplie 20 par 3 grammes, ça fera 60 grammes en argent. C'est à peine 50 euros. C'est tout ce qu'il possède de cette dunya. Radiyallahu anhu arda. Et il pense qu'il n'a pas respecté son engagement avec le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il s'est permis plus que ce qui suffit aux voyageurs. Qu'est-ce qu'on doit dire nous? Wallah al-musta'an. On s'arrête ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.